Chapitre 2. Le dangereux présent du doge de Venise. Le comte de Sangallio n'avait eu garde de manquer le rendez-vous pris avec le professeur Gendron. Après une légère attente de quelques instants dans un petit salon attenant à celui où se tenaient habituellement les clients, il avait vu venir à lui l'éminent praticien qui, sa dernière consultation terminée, venait le chercher, l'introduisant directement dans son cabinet par une porte dissimulée sous une lourde tenture. « J'ai pu songer à t'être reposé, » fit le spécialiste en lui indiquant un siège, « au cas où mademoiselle votre fille, et plus j'y réfléchis, plus aussi j'ai la conviction qu'un traitement tout naturel, reposant sur un régime approprié et de l'exercice sagement proportionné aux forces de la malade, sauront bien vite la remettre d'aplomb. Je ne vois rien dans son état général qui puisse faire craindre des complications d'une nature grave, et je serais plutôt porté à penser que mademoiselle Bianca est à un âge où le mariage devient une nécessité pour les jeunes filles. Mon diagnostic, néanmoins, est sujet à des modifications si, comme vous me l'avez laissé entendre, certains détails qui me sont encore inconnus devaient me mettre sur la voie d'un mal ayant des racines plus profondes. Je vous écoute donc, monsieur le comte. Ce que j'ai à vous dire, docteur, demande certaines explications, dans lesquelles je vous prierai de me suivre en prêtant la plus grande attention, car si elles vous paraissent à première vue assez oiseuses, vous verrez par la suite qu'elles ont leur raison d'être. Quelques mots sont indispensables. Tout d'abord, au sujet de curieuses singularités que j'ai pu récemment relever dans le caractère et les habitudes de ma fille. Et Paolo da Sangallio fit part au médecin du vif intérêt que Bianca portait depuis quelque temps déjà à de vieilles traditions de famille auxquelles elle n'avait jamais prêté aucune attention jusque-là. « Nous descendons, vous le savez, » continua-t-il en entrant dans de plus amples détails, « de très anciens et très nobles patriciens florentins. Or, chez les Marini da Sangallio, comme dans la plupart des familles italiennes de haute lignée, du reste, il s'est passé, au cours des temps écoulés, et principalement à l'époque troublée du XVIe siècle, des drames intimes plus ou moins entourés de mystères et où le sang a souvent coulé. Il y a aussi des légendes qui se perdent dans la nuit des temps et qui, répétées en secret, enjolivées, exagérées, dénaturées même, se sont transmises de génération en génération sans qu'il soit devenu possible de les contrôler ni d'en vérifier l'exactitude, d'autant qu'il faut faire la part de la superstition crédule, propre aux Italiens de toujours. J'étais donc heureux de voir que ma fille ne s'était jamais guère préoccupée de ces vieilles histoires, tout un fatras de souvenirs que couvre la poussière d'un passé fameux. Aussi, jugé de ma surprise, quand j'entendis Bianca m'interroger très attentivement sur toutes nos traditions familiales, je crus, au premier abord, au simple caprice d'une imagination un peu romanesque, et ne fis qu'en rire jusqu'au jour où je dus me rendre à l'évidence. Bianca m'écoutait avec une attention soutenue, ne perdait pas un mot de ce que je lui contais, et y attachait une importance vraiment ridicule à l'époque où nous vivons. Ce me fut un premier indice que son esprit, mis en éveil par toutes ces fariboles d'un autre âge, se livrait à un bizarre travail. Je me refusais à penser qu'elle pût ajouter foi à ces vieilles légendes, quand je dus finir un jour par me convaincre que j'étais dans l'erreur. Voici à quel propos. Le professeur Gendron avait écouté le comte sans l'interrompre un seul instant, et malgré qu'il ne l'arrêtât d'aucune remarque, laissait voir tout l'intérêt qu'il prenait à ses explications préliminaires. « Il existe dans notre famille, reprit bientôt le père de Bianca, une tradition assez étrange au sujet d'un fait qui, pour s'être reproduit à différentes reprises dans la suite des temps, paraît-il, a pourtant sauté plusieurs générations. Un cas d'hérédité, peut-être ? Interrogea le docteur. Non pas, rectifia aussitôt le comte. Il s'agit d'une prédiction, ou plutôt d'une malédiction, si vous préférez, qui pèse sur les nôtres, et c'est, je dois le reconnaître, plusieurs fois réalisée. Une malédiction. Un sort, sans doute. Si vous voulez, docteur, d'ailleurs, voici la chose. Vers le milieu du XVIe siècle, une certaine comtesse Marini da Sangallio donnait le jour à une fille qui était sa première enfant. Comment son mari apprit-il que sa femme l'avait indignement trompée avec un prince de la famille des Médicis et que celui-ci était le véritable père de l'enfant, je l'ignore. Toujours est-il qu'il entra dans une fureur bien légitime. Il accabla la comtesse des plus sanglants reproches et, arrivé au paroxysme de la rage, la poursuivit de pièce en pièce jusque dans la salle des fêtes du palais, où il la poignarda férocement. Il y avait là, bien en évidence, sur une crédence, une aiguière qui se dressait, entourée de six coups papier du plus pur verre de Venise, admirablement travaillé. Une merveille d'art, qu'un doge de Venise avait offerte en cadeau à ce comte de San Gallio, avec la prière de voir ce véritable joyau figurer bien en évidence aux fêtes organisées pour la majorité des aînés de la famille, de génération en génération. Or, à l'instant précis où sa femme succombait, le cœur percé d'un poignard, l'une de ses coupes éclatait en morceaux, se brisant mystérieusement, sans qu'il fût possible d'expliquer cet accident. Le crime dont mon ancêtre s'était rendu coupable, bien que justifié, demandait un châtiment, et le comte de San Gallio, sur le point d'être arrêté par ordre des Médicis, n'hésita pas à se donner la mort. Mais avant de rendre le dernier soupir, il eut encore la force de lancer cette malédiction. Malheur à l'enfant aîné de chacun de notre race, si cet enfant est une fille, car elle périra, au jour de sa majorité, impitoyablement brisée dans sa jeunesse, comme la coupe du doge dans toute sa beauté. Et cette prédiction s'est réalisée, dites-vous, monsieur le comte ? Interrompit curieusement le professeur Gendron. 4 fois déjà, depuis cette époque lointaine, et toujours dans des conditions analogues, au jour même où des signorines de San Gallio atteignaient leur majorité. Par une bizarre coïncidence, chaque fois aussi, l'une des fameuses coupes du doge, conservée comme de précieux souvenirs, venait à se briser en menus fragments à l'instant exact où la jeune fille expirait. De sorte que, si je sais bien compter, interrompit encore le professeur, sur ces 6 admirables coupes, il n'en resterait plus qu'une aujourd'hui. Une seule, en effet, se lamenta sourdement le comte, et c'est à cette relique ancestrale, jalousement gardée dans notre famille, que j'attribue l'extraordinaire aggravation de la nervosité dont souffre Bianca. Le docteur se montra fort surpris. « Votre fille ? Et en quoi, je vous prie ?»« En ce que, dans une 8aine de jours, Bianca va atteindre sa majorité et qu'elle n'ignore pas la prédiction attachée à la coupe du doge. »« La coïncidence est en effet fâcheuse, » convint le praticien, « mais je ne vois toujours pas comment ces deux faits rapprochés l'un de l'autre peuvent influencer Mlle Bianca au point d'accroître sa nervosité. » Les yeux hagards, en proie à une intense émotion, Paolo da San Gallio balbutia. Ne devinez-vous donc pas, docteur, que l'approche de la date fatale est pour lui une angoisse de jour en jour plus poignante, une hantise qui la mine et l'affole? Elle qui jamais, au grand jamais, m'entendez-vous bien, ne touchait à une carte. Ne l'ai-je pas surprise en train d'en étaler un jeu à grand ouvert sur la table et d'interroger anxieusement ces cartons stupides? Simple curiosité, sans doute, questionna le professeur Gendron. Dites plutôt désir insurmontable, besoin morbide de découvrir ce que le très prochain avenir lui réserve. Partagera-t-elle ou non le sort malheureux qui fut celui de certaines des aînées de la lignée des Marini de San Gallio? La dernière coupe du doge de Venise, en se brisant elle aussi, sera-t-elle le funeste arrêt de mort de la pauvre Bianca? Ah, cette incertitude de son destin est pour elle une atroce hantise qui l'effare. Voilà la véritable cause de l'aggravation de son mal. Et comprenez-vous maintenant l'importance de ces détails qu'il vous était indispensable de connaître avant de vous prononcer sur son cas étrange ? Le professeur Gendron se referma quelques instants dans un complet silence, plongé qu'il était dans de profondes réflexions, puis déclara soudain, avec beaucoup de calme : « Mais il y a un moyen bien simple de remédier à tout cela, lequel ? Enfermez ce souvenir gênant du doge dans un endroit désert de votre hôtel, où votre fille ne pourra avoir accès, ou bien encore, déposez-le en garde dans le coffre d'une banque. Personne n'ira l'y chercher que je sache, surtout si vous tenez la chose secrète, ignorée de Mademoiselle Bianca. C'est bien ce que j'ai fait. La coupe en verre de Venise repose dans un écrin spécial, et ce dernier lui-même au fond d'un meuble ancien. Il y a là une cache dissimulée par un panneau sculpté, qui s'ouvre seulement en faisant jouer le ressort d'une ingénieuse serrure. Eh bien alors ? Mais vous semblez oublier, continua le comte, la recommandation expresse du donateur de voir son présent figurer bien en évidence aux fêtes organisées pour la majorité des aînés dans la famille de San Gallio. C'est vrai, je n'y songeais plus. Et Mademoiselle Bianca, je vous l'ai dit, sera majeure d'ici une huitaine. Et à cette occasion, je ne puis me dispenser, suivant l'usage traditionnel chez nous, de célébrer cet événement en donnant une grande fête. Et c'est bien là ce que je redoute. Et quoi ? railla le professeur Gendron. Partageriez-vous aussi les idées superstitieuses de votre fille au sujet de cette relique de famille ? Le comte eut un mouvement des épaules qui en disait long sur son scepticisme à cet égard. Mes craintes n'ont rien de superstitieux, docteur. J'appréhende seulement qu'avec toute cette affluence d'invités, tandis qu'on dansera dans mes salons, un malencontreux accident ne vienne à se produire. Un malheur est bien vite arrivé, surtout avec un objet aussi fragile. Si un fâcheux hasard voulait que la coupe du doge vînt à se briser, il y aurait là de quoi frapper l'esprit de ma Bianca. Qui sait même si, dans son déplorable état maladif, elle n'en ressentirait pas un choc qui pourrait lui être funeste. En effet, déclara le spécialiste, un semblable accident pourrait avoir pour elle les plus graves conséquences. Autre chose encore, l'audace des filous ne connaît plus de bornes aujourd'hui. Sait-on si quelque habile agrofin, profitant justement de l'affluence, ne parviendrait pas à se glisser parmi les invités en prévision d'un mauvais coup à faire? Il y a de ces coquins-là qui, sous le smoking ou l'habit, vous ont allure de gens du monde. Voyez-vous que la fameuse coupe vient à disparaître, subrepticement enlevée en pleine fête? Oh, reprit le docteur, le mieux alors, aussi bien pour le cas de vol que pour celui d'un accident, tous deux possibles, serait de faire surveiller votre précieuse relique. Et comment? Il y a des agents spéciaux de police privée pour remédier à cela. Elles ont à leur service des hommes de confiance qu'elles mettent à la disposition de leurs clients pour exercer une étroite surveillance, les grandes réceptions, les bals et les fêtes de tout genre données chez les particuliers. « Oh, docteur !» s'écria le comte, dont le visage s'éclaira soudain. « Vous me donnez là une excellente idée qui ne m'était pas encore venue. Comment n'y ai-je point songé? Mais j'ai l'homme qu'il faut pour cela, et qui saura agir avec tact parfait autant qu'avec une habileté hors de pair. Vous devez bien avoir entendu parler, d'ailleurs. Ned Bjork, le détective américain. » Et son inséparable ami Romain Farrell, ajouta le professeur. Qui donc ne connaît leurs hauts exploits? Je crois en effet que vous ne pourriez vous adresser mieux qu'à eux. S'il arrive un malheur à la précieuse coupe, ce serait un hasard et il faudrait bien croire alors au mauvais sort qui s'attache à ce souvenir du doge et poursuit avec acharnement votre famille. Mais je crois qu'en vous confiant aux soins vigilants de ces deux fins limiers, vos craintes peuvent se dissiper. Gendron s'était levé, laissant comprendre que leur entretien tirait à sa fin et le reconduisant jusqu'à la porte, il lui dit encore « Je suis persuadé que rien de fâcheux n'arrivera. » Mademoiselle Bianca atteindra sa majorité sans aucune anicroche et dès lors, nous pourrons lui faire suivre un traitement qui la remettra complètement. Le principal pour le moment est de lui éviter surtout ce choc moral qui ne manquerait pas de lui causer le bris accidentel de votre sinistre coupe au jour de sa 21e année. Voyez Ned Bjork, mon cher comte, ou à son défaut, Romain Farrell, et je suis sûr que vous serez tout à fait tranquillisé.